তিনি গেছেন খুবই পুরো তাকে পুরো বৈজ্ঞানিক সেটা আমি গেছি কোনো নতুন Thank you. 말하는 동안 하나님 사람들이 그 일상 생활 거기 있게 그러시니 딱 봐요. 오늘 이렇게 해봐. L'agriculture moderne a commencé ce dernier siècle. reste, et après à la dépenser en train, c'est à l'autre. C'est une technique. Nous sommes trois millénaires. Ça fait déjà six siècles maintenant. Mais les raisons, on est dans une manière. Ça va aller. On va vous aller en plus jeune. On est fiers de notre catastrophe. Fiers de notre catastrophe. Alors que moi, je suis sur plus d'un. Je n'ai pas l'impression de à la veine, vous l'avez dit. C'est pour intervenir, pour agir. Mais pour l'âme, la vérité, la révélation. Mais de la haine, c'est une parole au moyen. Ça, c'est une chose à vous dire. Pas binoculaire, c'est un trinoculaire, tant qu'il a. yapıyorsun, arabayı tutup ipi flaşı tutuyorsun, var. Sen de diyorsun ki sırf bu yok. Tamam, ne kadar sen ne kadar var, o çıkar, konu yok. Konu yok. Bak, sen de şey, ruine. Ruine, ruine. Yani, tout ce que j'ai mis, de côté, une année, la séquence du bon, quand elle est prête, c'est vraiment une belle, c'est bon ça. Mais, cabra, cabra. Cette ruine, c'est les moments très légères, non. Au-delà,